le silence, c'est plus beau que ce que je pensais pour que l'émotion passe autrement. Donc, j'apprends beaucoup de cette expérience-là. Un cœur est lourd et maladroit s'il fait tambour de tous les bois. Dénuée d'artifice, Catherine Major a senti secret mardi 13 mai à 10h. Garde pour moi un œil ouvert. Bienvenue à notre édition de Ouais Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On passe la prochaine heure à écouter des pièces en téléchargement gratuit. Donc, si vous entendez des pièces qui vous intéressent, vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission. Il y a une belle playlist avec les liens qu'il vous faut pour télécharger tout ça. Donc, vous vous rendez au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, rendez-vous sur le site pour télécharger plein de musique gratuite et entendre les podcasts des émissions précédentes. Donc, cette semaine, on va débuter avec un peu de dub, un duo qui nous vient de la Turquie et de l'Angleterre. C'est Coma Dub, c'est une pièce de Alpha Dub. Je vous fais entendre la pièce TNT in My Brain. C'est tiré du EP Do Good. C'est donc ensuite de ça, ça va être un artiste de Los Angeles sur l'étiquette Internet Recordings. Il s'agit de Vector Byrne. Je vous avais fait entendre la pièce Witch King, une pièce qui date de 2005. Vous allez voir un peu de drum and bass assez old school. Donc, c'est ça, on débute ces deux pièces-là, puis je vous reviens tout de suite après. Thank you. du drum and bass, pas piqué des verres, donc une pièce qui date de 2005 de Vector Burns, un artiste de Los Angeles. C'était sa pièce Witch King sur l'étiquette Internet Recordings. Avant ça, on entendait Comadob meets Alphadob. C'était la pièce TNT in My Brain tirée de l'album Do Good. C'est un petit EP vraiment sympathique. On poursuit Web Music avec un truc publié sur l'étiquette Kota 303. C'est un artiste de la Russie. Je l'ai reçu, donc j'ai fait jouer plusieurs fois plus tôt à l'émission. C'est Inspector. Je vais entendre sa pièce Deadlocks. Ça va être suivi d'un duo de l'Allemagne sur l'étiquette Digital Diamonds. C'est Alec. Je vais entendre la pièce In the Heat of Delight. C'est un remix par Kono Oko. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre une pièce par le duo allemand Alic. C'était la pièce In the Heat of Delight. C'était un remix par Kino Oko. C'était sur l'étiquette Digital Diamonds. Avant ça, on entendait de la Russie, c'était Inspector avec sa pièce Deadlocks. C'était ça sur l'étiquette Kota 303. On poursuit avec une pièce vraiment spéciale publiée sur l'étiquette Haze Netlabel. Ça nous vient de la Corée du Nord, un album qui a pris plus de 7 ans à faire. Album assez mystérieux, donc des conditions vraiment difficiles pour l'artiste. Donc, il pouvait envoyer ses pièces à l'étiquette seulement quand il était en dehors de la Corée du Nord. L'artiste s'appelle Soundtracks for Our Future Empire. Donc, c'est ça, c'est un album pro et en même temps anti-régime de la Corée du Nord. La pièce s'intitule Ode to the Supreme Leader Kim Jong-un. Donc, je vous invite à le télécharger, un album vraiment spécial, mélange un peu musique de propagande nord-coréenne et musique électronique, vraiment intéressant. Donc, c'est ça, on écoute Soundtracks for Our Future Empire à Web Musique.

Thank you. avouée un peu spéciale, la cornemuse mélangée avec musique électronique. Donc, ça nous venait de la Suisse, c'est Starlon avec la pièce Scottish Dreams. C'était sur l'étiquette Bleep Sequence. Avant ça, de Manchester, on entendait John Overblast avec la pièce Sharing Our Breath. C'était sur l'étiquette VRKS. On poursuit Web Music avec un artiste, cette fois-ci de la ville de Detroit aux États-Unis, c'est Miles Amadeus Prower. Je vais entendre sa pièce Catching Feelings 2. C'est sur l'étiquette Kaleidoscopic Label. Savanova and Yaya, by Detroit, Samoa, get one falling up. Goody goody gum drop, fun just won't stop. I'm on top and I just won't drop, drop. Never will I empty the subject of envy until death comes me, until they send me away. Rome wasn't built in a day. This is didn't do it this way. With the phone that I got, I'm bound to get shot. But why would I stop until I drop or reach the top? Nigga, I'm hot, and niggas think you're hot. This is just lukewarm, little above average, a little above norm. I'm a thorn in your side, I reside in a sublime state. So I can fuck with you, my state. Until you evacuate the sense of losing your sanity. It's okay, cause you know y'all are mad at me and talk more candidly about me and my man and me. The funny thing is, all your fans of me, that's the real thing. That moves me, you hate me, but cheer for me like bad guys in movies. Cheer me or boo me, hug me or shoot me. I don't give a fuck, nigga, you can't move me. You can't do me like I do me. I am yoga, you be boo-boo. You can't be that dopey cuckoo. Till I drop by and wave boo-hoo. Cause your chicks all up in my lap. The funny thing is I'm standing up. Now what you nigga getting at? Y'all niggas act like y'all know what y'all doing. But when you get hold of the game, you can screw it up. Y'all just slashing for show while I'm stacking my show. And I'm letting them know it's over. Y'all niggas act like y'all know what y'all doing. But when you get hold of the game, you can screw it up. Y'all just slashing for show while I'm stacking my show. And I'm letting them know it's over. Back again, the sick of wine hurt some. You niggas white wines, but I birthed them. And clothed them and bathed them, I'm birthed them and raised them. I get you to spit rhymes and I make them. So if you burn tracks, boy, I throw blazer. Come see a show, boy, I'm amazing. Got more than 16 to the sweet 16. Full of girls spend nothing but sweet 16. I'm clean like soap and shit, I know. So when they say I gotta clean mouth, I'm dope. So if it not my homie, don't speak on me. What you got my dick for? You wanna blow me? I'm not trying to be rude. I really wanna be nice. We wanna listen to the radio and any of your nights. This is the boy 7 and the girl Yada. I can say your name all day. Yada da da da da da. Da-da-da-da-da, just want y'all to know that the boy fire. Gonna stay that way till I retire. It's the truth, when your ass call me sire. Hero for hire, better get I'm back and free. Or you can even get your head up your ass trying to be me. Don't forget where you fucking heard this shit. And don't forget, nigga, I rep Detroit, bitch. Ha-ha, doing it so easy. The sad thing is I'm looking quite good while I'm doing it. Ha, all that. They don't like me, y'all niggas act like y'all know what y'all doing. Come on, when you get home. Just flashing for show while I'm stacking my show and I'm letting them know it's over. Yeah. All right, man. Catch you for this part two. For this loss, man. You ain't gotta like me and you ain't gotta like my girl Yacht. That's real talk. I'm the shit. See the shit. Better yet, y'all all this cause y'all ain't shit. That's what's up, man. We do it all day. Fix your faces all day. Every day from Samoa to Detroit. I'm running this game, man. For show, man. Man, that's what's up. JS on the beat, though. I'm not gonna say I'm the best guy out. I'm not gonna say that half of the cats couldn't touch me on a bad day. And I'm not gonna say I'm better looking than y'all, that my girl looks better than half. Yeah, hey, all you girls. That's what's up, man. So, have a nice day. And don't forget to fix your face. Drive home safe. Get the fuck up out here. Thank you.